101e leçon. La candidature. Ayant pris la décision de quitter la Bretagne, Jean-Michel se met activement à la recherche d'un emploi dans la région parisienne. Tous les jours, il achète les grands quotidiens et scrute attentivement les offres d'emploi. Il consulte aussi les annonces disponibles sur le Minitel. Il y a l'embarras du choix, mais peu d'offres qui l'intéressent vraiment. Et puis un jour, il tombe sur l'annonce suivante. SS2I, recherche informaticien expérimenté, homme ou femme. Diplômé, grande école ou institut ingénierie. Connaissances multimédia obligatoires. Libre de suite, anglais indispensable. Adresser CV et lettres de motivation au DRH, Société Tout Vu, Les Ulysses. Ça y est, ça correspond parfaitement à mon profil. Et en plus, le poste est à pourvoir tout de suite. Jean-Michel s'installe à son ordinateur, charge l'application de traitement de texte et se met à écrire. Messieurs, en réponse à votre annonce parue hier, j'ai l'honneur de poser ma candidature au poste d'informaticien. Diplômé de l'ENSEA, j'ai 10 ans d'expérience en informatique. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mon CV, qui vous fournira de plus amples renseignements sur mon parcours professionnel. Dans l'espoir que vous voudrez bien considérer favorablement ma candidature, je vous prie de croire, messieurs, à l'assurance de mes sentiments distingués. Jean-Michel attend le retour de Claude avec impatience pour partager la bonne nouvelle. Elle rentre vers 6 heures et, épuisée après sa longue journée, s'affale dans un fauteuil. « Ouf, je suis crevée. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?»« Devine, j'ai trouvé une offre d'emploi qui semble parfaite pour moi. » Et j'ai envoyé ma candidature. Croisons les doigts. Exercice. Il y a l'embarras du choix, mais rien qui les intéressait vraiment. Ça y est, ça correspond parfaitement à son profil. Ouf, je n'en peux plus. Je suis crevé. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée ? Croisons les doigts.